couleur locale. 30 minutes pour découvrir les artistes de votre région. Vous écoutez Couleur Locale, vous êtes sur Fadjet à Nancy ou 94.2 sur Fadjet.net et en dub plus. Pierre au micro, comme depuis 4 saisons, je vous ai manqué. Long time no see, comme diraient nos amis outre-Atlantique ou bien ceux qui vivent dans les terres de l'Angleterre. C'est une émission bilingue, c'est une émission intelligente, c'est une émission rock'n'roll qu'on vous propose aujourd'hui avec un groupe qui fait de la fusion. La fusion, c'est un peu l'étiquette que les groupes qui ne savent pas s'étiqueter se donnent. C'est très pédant, ils se la pètent et on est là pour le remarquer, on est là pour witness les witness. Salut. Bien le bonjour. Salut. On commence déjà avec des superbes transitions magnifiques, magnifiques. Nous sommes avec... Ah, il a envie de parler, je le sens, il est dans son élément. C'est dans le regard, ça se joue là. Ah, ça se joue là, il y a un eye contact, il est comme un poisson dans l'eau, il s'appelle Hugo, ce qui rime avec O. Exactement, et en plus je suis du signe astrologique poisson, donc ça marche bien. Voilà, en fait je suis Hugo de Witness, chanteur, parolier, interprète. Voilà, je m'implique dans beaucoup de choses dans Witness. Rockstar, dictateur. Rockstar, puis voilà, écoutez... Est-ce que tu peux me refaire le « Bonjour, c'est Hugo de Witness ». Bonjour, c'est Hugo de Witness, vocaliste. Ça, c'est génial. Mais je suis très très mauvais. Ça, tu peux le... Tu le mets comme ça, et avant de passer une de vos musiques dans la programmation, tu l'as, tu vois. Genre, ouais. Bonjour, c'est Hugo de Witness pour Fadjet. Et là, paf, t'as la musique qui se lance. Bien sûr, mais en plus, moi, en plus, de base, j'ai une voix qui est très ASMR dans mes vocaux avec mes potes, tout ça. Donc en vrai, c'est horrible, c'est vraiment un tollé au quotidien. Arrête de faire des vocaux. C'est un tollé, Tom dit que c'est un tollé, et ceci est une allitération. Salut Tom. Bien le bonjour. Bien ça bien va, on est, ça culturé, va très bien. On est culturé ici. Tom, tu es... Batteur. Batteur de Witness. Mais je suis un homme avant tout. Hein. Et tu es un homme. Il faut des batteurs, hein, même s'ils sont toujours derrière et que c'est pas eux qui ont les femmes à la fin, ou les hommes. Ils sont casse-couilles aussi. Ouais, c'est vrai. On dit beaucoup de moi que je suis un casse-couille. Ce qui est un peu vrai. Entretien d'embauche. Si je demandais à vos anciens collègues ce qu'ils pensent de vous, que diraient-ils ? Il dirait que je suis un casse-couille. C'est Tom de Witness, voilà. Le casse-couille. C'est mes propres paroles. Et nous sommes avec Axel. C'est ça. Le bassiste. Le bassiste du groupe, le dernier arrivé en date. Le dernier arrivé après un long, long longue traversée du désert. Ouais, je crois qu'il y a eu des bassistes avant. Ouais. Il y a eu des bassistes avant. Ce qui a inspiré une chanson, d'ailleurs, qui sera une exclue. Qui sera une exclue, qui s'appelle le BRUH, et qu'en fait, qui parle du parcours un peu compliqué qu'on a eu avec les bassistes, parce que voilà, le premier bassiste c'était un mec qui s'appelait également Axel, dont on va passer son famille parce que c'est pas très légal. Et en fait voilà, ce mec était déjà un confini et puis pas très très droit, on va pas dire plus de choses sur ça. Et en fait voilà, on l'avait tout simplement auditionné, on l'a pas pris. En fait la seule simple réaction de sa meuf c'était quoi, c'était Bram I'm Unsatisfied. J'ai jamais compris pourquoi, et c'est devenu du coup le concept d'un morceau, parce qu'on est très inspiré par des groupes comme les Red Hot Chili Peppers qui font des morceaux trolls. On fait des morceaux artistiques et trolls, et ce morceau-là est un morceau qui était à la base troll et qui est devenu artistique, parce que c'est clairement dans l'esthétique de notre prochain projet, parce que ce morceau est issu de notre prochain projet. Je pourrais t'écouter pendant des heures parler, il y a une fluidité dans tes propos, je witness. Ouais, le c'est beau ce qui se passe. Faut que j'arrête de faire Eminem, c'est ça. Ouais, mais t'as pas envie d'écouter ces 5 minutes de vocaux. J'essaie de faire plus rapidement quand même là. Alors, on va aller directement, on va couper dans le cœur du sujet, on va aller mettre le doigt dans la tarte. Il n'est pas encore minuit, alors on va rester soft pour parler de Witness, parce que bon, j'ai fait une blague sur la fusion, mais il y a quelque chose derrière. Quelle est l'esthétique? Première question, quelle est l'esthétique qui veut parler sur l'esthétique? Qui veut parler? Bah toi, je pense que t'es un petit peu mieux calé que moi. Le batteur esthétique. Ah ouais, bah je suis le dernier arrivé, peut-être que vous avez des influences. Bon, moi je veux bien dire. Hein. Vas-y. Witness, on n'a pas spécialement de genre musical approprié, on se dit rock alternatif. Mais effectivement, quand on dit fusion, c'est-à-dire qu'on peut avoir du rock, du métal, on peut avoir plein d'autres choses, même du rap des fois qui vient dans les influences. Ok. Exactement, plutôt dans la diction et tout. Ouais, puis en plus, beaucoup dans le phrasé, dans la batterie aussi, beaucoup. On est influencé par des groupes comme Slint, Deftones, Fugazi, Mogwai, Fatal Bazooka, Godspeed, Fatal Bazooka, grosse influence, surtout dans l'esthétique. Non, Didier Super aussi. Ouais, vraiment avec une ambiance en fait qui balance entre de la violence, des on est très nocturne aussi. Witness, généralement, c'est pas dans... c'est pas très lumineux. Très lumineux, ouais, voilà, c'est ça. On s'inscrit vraiment dans le nocturne. D'ailleurs, notre prochain projet, U4, la pochette, plus nocturne que ça. C'est dark à mort. Et voilà. Et voilà, en fait, on balance entre des passages très mélancoliques, du spoken word, avec des refrains très enivrants, et puis des fins, des outros qui peuvent être très, très métal. Ok. Après, c'est une bête description, mais pour décrire un genre de les styles d'un groupe, c'est toujours un peu compliqué. Du chaud, du froid, ouais, de la nuit. Ouais, un peu de tout, en fait, un peu, au final. Ouais. On emprunte aussi. Un peu tout. Du bruit aussi, hein, on finit souvent. Beaucoup, beaucoup de noise. Il y a des passages noise, on n'est pas de la noise, voilà. Et par contre, mais des passages noise, et puis parce qu'on est notamment inspiré par les Psychotic Monks, surtout avec Axel qui est là, et Noah, le guitariste qui n'a pas pu se rendre aujourd'hui. Oui, effectivement, faut en parler. Taf, voilà. Bah, les guitaristes, ils sont jamais là en général. Ouais, hein. Il y a toujours ceux qui se travaillent pas. Sur les derniers arrivés en retard aussi. Bon, en fait, voilà, Noah, il a des influences à la base très funk. En plus, à la base, on avait un autre groupe, même ensemble, qui était beaucoup plus punk-funk. Et en fait, lui, il a pris ses influences funk. Il est très inspiré par le guitariste de Red Hot, John Frusciante. Donc, surtout dans les solos et dans les rythmiques. Nous, on a pu teinter ça avec beaucoup plus de dissonance, parce que le funk, c'est souvent très funky, très dansant. Et nous, on a pris un peu le côté dansant et le côté rythmique du funk pour le mettre dans quelque chose de beaucoup plus sombre et beaucoup plus... Ok. Fusion. Fusion. Sur Fadjet, dans Couleur Locale, que vous nous écoutiez samedi à 13h ou dimanche à midi, bon appétit. On est le 6 ou le 7 mai, mais le 1er mai, c'est important, car est sorti le 1er mai. U4. Voilà. U4. Exactement. U4, un EP. Un bébé album de 5 titres. 5 titres pour 25 minutes à peu près. J'allais dire 25 minutes, c'est correct, déjà pas mal pour un EP. C'est pas mal, hein, pour un EP. On est à la limite, je crois. Exactement, ouais. Et puis en plus, on a une date aussi à côté. Donc il s'est déroulé, si vous nous écoutez dimanche. Ouais, il s'est déroulé, si vous écoutez dimanche. Puis si vous nous écoutez samedi, eh ben, sachez qu'on joue au McLaren's à Sarreguemines, un petit bar comme ça. À 22h. Tranquille. Voilà. Tranquille. C'est rigolo, hein, d'enregistrer des émissions et de les diffuser après. On est un peu dans Retour vers le futur. Exactement. Marty, je te demande de prendre la DeLorean puisqu'on va remonter en novembre 2023, rencontrer Dolly. Ouais, Dolly, notre premier morceau, très très symbolique. Single. Voilà. Alors, ça parle de quoi, Dolly? Alors, bah, les gars, vous... Dolly. Je peux en parler? Dolly, tu peux en parler. Hugo, il a le temps de parler. Ouais. En fait, Dolly, du coup, c'est un morceau qui parle avant tout de violence conjugale ou paroxysme, parce qu'en fait, on voit que la pochette directement, c'est une poupée. Et en fait, par cette figure allégorique de la poupée, et ben en fait, c'est un homme qui décrit comment en fait, il commence à péter un câble parce que sa femme est beaucoup trop superficielle par rapport à lui. Et donc, il finit par l'enterrer vivante. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ça. Vous avez vu, c'est sympa. Hein. Et vous êtes sur une radio à heure de grande écoute. On a notre stagiaire, c'est ça, Tristan, qui est avec nous, qui est en train de chialer sa race parce qu'il a peur. Tu as peur? Il a eu peur de Witness. Il a un petit peu peur. Fadjet, c'est une grande famille. Une famille du rock and roll. Vous le savez, Pierre au micro, moi j'aime le métal, j'aime la fusion. Et on va écouter Dolly de Witness tout de suite sur Fadjet dans Couleur Locale. Dress of your paper clothes, girl. Do you feel but you can see the tragedy. You do. Vous êtes sur Fadjet dans Couleur Locale, vous y êtes bien, restez-y. Au 94.2 FM à Nancy sur Fadjet.net, bon appétit, votre estomac est contenté, votre palais aime ce qu'il est en train de manger. Là on vient de nourrir votre cœur, votre âme, vos émotions, votre corps astral, éthérique, énergétique, universel et cosmique avec Witness Fusion Rock Alternative U4 qui est sorti le 1er mai. Je sens qu'Hugo a envie de parler, je vois la moue comme ça, il non, a envie. Non mais en fait, l'amour de la c'est, musique. C'est parce qu'en fait tu t'as tellement bien vendu et amené le truc que j'ai l'impression d'avoir été plongé dans un album de Pink Floyd. C'est vrai. Et ben, Pink Floyd, d'ailleurs, qui est une des influences de Axel, voilà. Ancien de No Fireworks, si on peut dire. Ouais. Qu'on recevra bientôt d'ailleurs. Je leur passe un coucou. Un petit coucou. Noah n'est pas là, le guitariste n'est pas là, ce qui est un peu bizarre. Fort dommage. En général, on lui fait des bisous. Oui. Qui on peut remercier un peu pour votre projet aussi? Vous avez des gens, des gros fans. J'aurais quelques exemples, je pense. Ouais. Tom. Dans ce qui est des gens qui travaillent avec nous, évidemment, on peut recevoir les photographes comme Lisa Ramune. On a nos copines respectives qui nous aident beaucoup, hein, je pense que... Ils ont des meufs, les gars. Ah oui, bah oui. Ouais, je suis pas tard, j'ai une copine quand même, attention. Business. Hein. Elle nous aide à porter le matériel. Hein. Ah ouais. Rien que ça. On a nos roidies, hein. Roidies même, du coup. Et puis même notre public qui vient le plus, hein, on a notamment Adrien qui est venu à chaque putain de concert. Ouais, putain. Adrien et 17, William. Hein, 17 concerts. Hein. William aussi qui est venu énormément. Les plus chauds de notre truc, enfin vraiment... Venez voir Witness, parce que les gars, franchement, même si par exemple vous êtes pas du tout le style rock, Amble vous enchante pas tellement, vous écoutez pas, ou même si vous êtes amateur, vous n'avez jamais écouté de rock de votre vie ou de métal, et coup, franchement venez, parce que c'est une putain d'expérience humaine aussi, parce qu'en fait vraiment il y a des pogos, en fait on en parlait tout à l'heure en venant à Radio Fagette là, mais putain en fait on n'a pas qu'un public métal, on a un public qui est métal, punk, alternative, oui. Gothique, et en fait, la fusion. Du coup, dans notre, ouais, voilà, on a fusion public, c'est vraiment cool. Et vraiment, dans notre public, on a des gens qui dansent. On a vraiment Victor, d'ailleurs, Gamma Contradictor à l'écouter aussi. On fait des petits coucou à la petits scène locale, à tout le monde, ouais. Voilà, qui fait aussi des sons de son côté, qui danse sur BRUH, qui adore BRUH d'ailleurs. Et William, par exemple, qui adore Color, qui gueule, qui est vraiment l'archétype du métalleux. Adrien, qui est là, qui gueule, machin. Vraiment, on a un public. On a un bon public. Là, on a de la chance, c'est que là, on a de la chance, c'est qu'on a, vraiment un public qui est super soudé, qui vient à tous les concerts quasiment. Vraiment, il y a une ambiance chez. Qu'on a même pas voulu vraiment installer de base. Hein. Ouais, c'est ça. Chez nous, il y a un rapport au corps qui est super important. Ouais, je pense que génial, le principal vecteur, c'est l'énergie qu'on dégage. Ouais. Parce que même si, par exemple, imaginons, on arrive dans un bar, c'est un traquenard, on n'a pas de paf, c'est-à-dire pas de prix à l'entrée, ouais. Et pas de cachet, donc on a rien en fait, on a zéro, ça nous est déjà arrivé. Par exemple, Nancy, on a déjà eu cette expérience-là sur un bar, et franchement, on arrive. C'est pas grave, on a un public, ouais, il est là, il est venu nous voir, et nous on est venu pour faire notre show. Et nous, on donne tout. On donne tout quand même. Moi, une fois, j'ai failli faire un malaise sur scène. Je m'en fous, tu vois. J'ai failli faire une syncope sur scène, moi. Ouais. Un batteur qui fait une syncope, c'est très rythmique. Le week-end dernier, on avait un concert au Luxembourg et Noah, il a fini. Il sortait de la piscine, quoi. Il était en sueur. Ouais. T'as deux doigts du malaise. C'est vraiment physique. Chaque concert est une expérience. T'étais en âge. Chaque concert est un plaisir pour nous. La piscine. Cette blague est tombée à l'eau, je vous ai coupé. Oui. Bravo. Des concerts, vous étiez notamment Black Cat à Metz, Algène à Metz, et oui, je lis votre dossier de presse. Au Troubadour à Metz, le Loft à Algrange, qui va à Algrange, la Chaoué à Metz, en voiture, en voilà, la BAM le 6 juin à venir, la boîte à musique, ça c'est cool, grosse scène à Metz. Bien sûr, grosse scène, très belle scène. Moi j'avais vu Epica à l'époque, donc ça reçoit quand même des exactement. Groupes internationaux. J'avais vu Alceste là-bas et c'était vraiment une dinguerie. Alors, ouais, en fait, grosse scène. On joue à la BAM pour le concert des studios, donc voilà, en fait, c'est vraiment un concert axé sur les artistes émergents. Ouais. On sera nous, un mec, alors Dusk et Oli Hour, voilà. Dusk Rister of Delusion, non? Ou non, juste Dusk? Non, Dusk Rister, il me semble. Rister. Vous savez, on se renseigne bien avec qui on joue. On se renseigne bien. C'est juste qu'il y a Oli Hour, il y a un groupe de shoegaze, il y a un mec qui fait de la blues country, et puis il y a nous. Et puis à nous, quoi. Ouais, éclectique. Et puis évidemment, si vous nous écoutez samedi 6 mai, ce soir, c'est la release party de U4. De U4 qui est sorti le 1er mai sur toutes les plateformes, j'imagine. Nommons-les. Bah, il y a Bandcamp, il y a Amazon Music, il y a Tidal, il y a Deezer, il y a Spotify, il y a SoundCloud. Il y a YouTube Music. Il y a encore des gens qui écoutent sur YouTube. Hein. Ouais. Je dirais rien. Hein. Vive les agrégateurs. Et Apple Music aussi. Apple Music, très important aussi. Et Apple Music. Vous êtes un groupe émergent, et pour émerger, il faut savoir où vous pêchez. Et où vous pêche-t-on ? Facebook, Instagram. Instagram Facebook. Beaucoup. Ouais, plus Instagram. Instagram plus. Ouais. On a un Facebook, mais ouais. Un peu à la traîne. Faut qu'on y remette. Ouais, j'ai vu, là, j'ai aimé tout à l'heure. Enfin, non, les gars, là, faut. Il faut y remédier vite. Ah ouais, non, mais ouais, mais c'est clair. Parce que là, on mise beaucoup en fait sur Insta et TikTok principalement. Ouais, ça marche bien aujourd'hui. Ouais. Et même si on n'est pas vraiment. On arrive, on est des papis, tu sais. Mm. On est jeunes, mais on est papis. Moi, j'ai pas trop l'habitude d'aller sur TikTok. Moi non plus. On s'y forme. Et puis voilà quoi. Voilà, et rappelons qu'on est musicien, on travaille pas. Hein. Faut pas travailler. C'est quand vrai, Thomas. Et puis surtout quand on est batteur. Hein. Ouais, surtout quand on est batteur. Tu tapes juste dans. Moi je fais que taper. Hein. Hein, tu fais juste que taper. Je voulais juste préciser, même si c'est un peu chiant et ça fait un peu con en fait à la fin de tous les concerts, mais vu que le nom Witness est déjà pris plein de fois, et ben du coup, nous s'appelle Witness tiré du bas off avec 3 F oui, sur Insta. Effectivement. Mais c'est vrai que ce genre de noms qui peuvent être un peu courants, on peut retrouver. Ouais, pour trouver pas mal de groupes genre en Norvège, aux États-Unis ou machin, ouais. Etc. Rendez-nous nos Witness. Ouais, j'avais vu notamment un rappeur ou alors un groupe un peu heavy metal des années 80, c'était génial quoi, tu vois plein de trucs, rien à voir. Ouais. Je crois qu'il y avait un gros groupe français, enfin gros oui. Groupe, fin 90, début 2000, je crois aussi qu'il s'appelait Witness. Ouais, ils sont. Non, moi j'ai un ami qui était dans un groupe et quand ils ont mis avec l'agrégateur leurs morceaux en ligne, leur page a été fusionnée, les morceaux ont été intégrés sur la page Spotify. Ça arrive. Est-ce qu'on a eu ce problème? Je pense au moins 10 fois. Et ouais. Merci à Tunecore, voilà, je fais un truc sponsorisé. Ouais, merci Tunecore d'être conservatif. Bon, il y en a d'autres. Hein, y a merci Tunecore, le chèque de 3000 balles, merci. Il y a Tunecore, il y a DistroKid, il y en a d'autres, mais oui, effectivement. La musique, on en rigole, mais la musique c'est un travail. Et la musique, il faut la ressentir et parfois, j'ai même envie de dire, il faut l'appeler, call her. Belle introduction. Belle introduction. On va l'applaudir là. Alors, à l'allemande. Mais évidemment, ce titre est issu de U4 et c'est alors c'était un jeu de mots. Un jeu de mots, puisque c'est call, C-O-A-L. Oui, alors. Comme le charbon, finalement. En fait, ouais, c'est ça, c'est parce que l'histoire, c'est. Bah, un peu. Ça me fait. En fait, l'histoire, on fait un peu penser à Dolly, parce que c'est un mec qui, en fait, est totalement en décalage avec sa vie de famille. Oui. Parce que, voilà, il est ouvrier dans une usine, donc en fait, il rentre complètement crevé, il est en désespoir total. Et en fait, la musique, c'est juste le concept, un appel qui passe à sa femme quand il est au bar, et en fait. Bah, du coup, quand j'ai voulu faire un petit jeu de mots avec le charbon C-O-A-L au lieu de C-A-L de base pour rappeler. Vous savez, on s'est rigolé aussi. On s'est rigolé. Tom s'est rigolé, Hugo sait faire des jeux de mots et Axel a une très belle barbe. Merci beaucoup. Oui. Mais et ça, c'est pas très radiophonique. Mais c'est pas grave, on va écouter. Ça part en vrille, vous écoutez Fadjet Couleur de Canon, on est avec Witness. Si vous avez raté le début de l'émission et que vous êtes triste, ne paniquez pas, l'émission sera disponible pendant une semaine sur Fadjet.net et jusqu'à la fin des temps de l'humanité, ou tout du moins d'Internet, sur mon Spotify for Podcaster. Pierre Mercier, Fadjet, c'est hyper beau ça. Ah, c'est magnifique. C'est beau pour écouter. On ira écouter ta belle voix. On ira écouter. Et on écoute Call Her de l'EP U4 de Witness. Ignorance. I've got The Witness issu de l'EP U4. Vous êtes toujours sur Fadjet dans Couleur Locale. J'espère que vous allez bien et que vous ne charbonnez pas trop. Clin d'œil, wink wink. Pas mal. J'adore ce c'est le titre québécois, je crois. Charbonne là. Pardon. Attention, il n'est pas encore minuit. On est avec Witness, on est avec Hugo, parolier, chanteur, barbu aussi. Interprète, un peu barbu, mon Axel. Un petit peu barbu. On est avec Tom qui maîtrise les tomes, la batterie. Elle est pas mal celle-là. Très facile. Et puis on est avec Axel qui a fait le saut entre Pink Floyd et la fusion rock. Mais Pink Floyd, c'est aussi un peu de la fusion avant-gardiste. Ouais, il y a des morceaux vachement garage, hein, mine de rien, dans les premières périodes de Pink Floyd dans les années 60. Mais malgré le fait que j'adore Pink Floyd, qui est mon groupe préféré, j'aime beaucoup aussi le son des années 80-90 dans ce qui est le rock alternatif. Céline, par exemple, on parlait de ce groupe-là qui est, je pense, notre référence commune. Ouais. Il y en a d'autres, hein, Mogwai aussi, Godspeed You Black Emperor et d'autres groupes, mais qui sont plus des influences personnelles comme Deftones, les Red Hot. Mais Céline, grosse référence commune. Grosse ref. Et tout ce qui va être aussi post-rock, post-hardcore. Et tout ce qui est bien, c'est que du coup, voilà, on a une référence commune. Fugazi, qui est un groupe de post-hardcore. Un des premiers groupes de post-hardcore de la scène américaine des années 90. J'ai dit ça comme un prof d'histoire. Mais voilà, c'est bien, on a chacun nos influences plus les influences communes. Donc en fait, on essaie de créer un truc nouveau avec ça. Et ces influences communes et peu communes créent un projet qui est Witness. Aujourd'hui, vous étiez avec moi dans Couleur Locale. On arrive quasiment à la fin de l'émission, ça va très très très très vite. Restera un morceau à diffuser qui est issu de UK. J'étais en train de bugger, qui est sorti le 1er mai. Sortira le 1er mai. Ah oui, qui est sorti le 1er mai. Ah ouais, c'est difficile. Hein. C'est difficile, il y a des problèmes de cerveau chez mes collègues. On est en enregistrement, chers auditeurs, mais on est un peu en live aussi. On a parlé du passé, on a parlé du présent. Parlons du futur. Est-ce qu'on peut attendre des clips, peut-être un album? Potentiellement, on réfléchit. On dit rien pour le moment, t'es quoi? Moi, je préfère rien dire. Bah, on a pas mal de dates encore pour septembre. Donc, on est encore dans la phase de l'EP, de sa promo. Et on verra après ensuite si clip il y aura, si machin. Ça, ça marche bien en plus. Il y aura sûrement des nouvelles compositions d'ici 2-3 mois. Enfin, pour la rentrée de septembre, on aura plus de temps cet été. En tout cas, on compte vraiment frapper de plus en plus fort jusqu'à atterrir la gueule de tous les auditeurs. Cette phrase est un moment qui est certifié. Et qui est. J'aime bien. On s'incline. Il est bon. Ouais, je sais, merci. Witness, WITNE2S, comme le monstre du Loch Ness, mais je vous promets que ce ne sont pas des monstres. Ils sont beaux, ils font de la rock fusion alternative. AB. Que des noms comme ça. Que des trucs comme ça. Vous êtes sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, Facebook. Faites un effort, les gars, ça fait pitié. Et ça, on se fait tacler même maintenant. Mais voilà. Les réseaux sociaux, c'est important. En tout cas, Fadjet vous remercie d'avoir participé. Hugo, chanteur, parolier, interprète, merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Et t'as beaucoup parlé à moi et ça me fait plaisir. Ouais, je sais. C'est parce que je t'aime. C'est bizarre. Hein. Ouais. J'aime Tom, beaucoup cette émission. J'aime beaucoup cette émission. Tom à la batterie, ouais. Axel à la basse, Noah à la guitare, évidemment les Rodis, tous les gens qui vous suivent. Des gros bisous à eux. Un gros bisous. Et bisous à Andrew bisous aussi. Bisous à Andrew aussi. Qui nous aide énormément, vraiment, okay. Ce projet sans. Qui vraiment beaucoup de choses ne seraient pas aussi pro que. Eh bien, on les remercie. U4 est disponible sur toutes les plateformes, on les a citées. Vous allez là où ça vous fait plaisir. Donc, exactement. J'imagine. Ouais, voilà, partout. Où vous avez un abonnement aussi. C'est pas encore vinyle par contre. Ouais, mais il va y avoir c'est ce que CD. J'avais posé la question. Est-ce qu'il va y avoir des CD? Oui, il y aura des CD. Spoil. C'est pas bien. Mais c'est pas grave. Faut en parler parce que c'est vraiment un produit auquel on tient beaucoup. C'est officiellement inédit. Il y aura des CD. Il y aura très prochainement. Okay. C'est inédit, c'est une exclu. On l'a dit à personne d'autre. Mais voilà, on va faire des CD. Et qui seront disponibles à partir de la BAM le 6 juin. Donc venez tous à la BAM parce qu'on peut avoir des CD. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent des CD. Achetez. Okay. Achetez, donnez l'argent parce que si vous ne donnez pas l'argent, eh bien moi je vous dirai bra. Et de toute façon, ça fait peur moi. On va écouter BRAUCH. Alors là c'est bah voilà, bah sur la fin de l'émission. Tu vois le concept là il est bien, c'est que du coup comme t'étais loupé, et bah on a eu cette espèce d'effet qui était garanti quoi. Ouais, bah je sens que c'est la fin de l'émission. On va écouter BRUH Moment Certified, issu de U4, sorti le 1er mai de Witness. Merci à vous. Ouais, bah merci, des gros bisous, hein. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci. Radio Fadjet vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour un futur couleur local. Et le podcast sera dimanche à 18h sur mon Spotify. Pierre, merci à Fadjet for Podcasters. Bisous. Maman certifie à Witness tout de suite. À bientôt, bon week-end. Take out some tears and slip on me, yo. If you're not wanting this song,